être sans, et en vingt ans la foule être sans, plus de mille, et quelqu'un qui écoute. Il était un jour qui serait, il était un jour qui serait, un sourire, un échange, rien de plus ordinaire. S'engager, toi et moi, ça doit pouvoir se faire. Il est là le jour qui serait, le voilà le jour qui serait. Un jour qui serait.